éternelle enfance. Sourire vrai et sentiment de bonté malgré la souffrance. La vie c'est comme le hasard quand il pense. C'est juste une question de chance. Mais qui réfléchit trop saigne pour oublier dans. Rituel d'un peuple roseau où chaque membre est le grain d'un rosaire. Parabole d'un grand jardin où quand t'as faim tu te sers. Donc servez-vous sans tenir compte du propriétaire. Les religions ne disent-elles pas qu'elle est à personne la terre. Ils jouent la flûte torse nu avec un pagne sur les reins. Un tam-tam, une manque sous le soleil, on manque de rien. Partout nos attitudes les mêmes, tous monnaie. Combien ce que tu voudras. L'essentiel qu'on crève, pas de faim. L'image d'une carte postale, une fois sur place, ça change un peu. Mais qu'importe, t'appelles sa misère, si pour moi c'est mieux. Une fois chez toi, chez nous, ils faisaient comme chez eux. Donc comme toi, moi aussi, n'ai-je pas le droit d'être heureux. Afrique éternelle. Du Congo né en Europe, de pointe noire à Brazzaville, mes souvenirs s'entrechoquent. Je pourrais ne parler d'elle, mais toi et elle, vous faites corps. Mon cœur embué de larmes, quand à la télé je vois ton sort. Je me rappelle de ma joie quand je suis venu te voir au Maroc. Le soleil brillait pareil, la même mentalité forte. Depuis, j'ai jamais oublié le conseil que tu m'as donné. La faiblesse et la haine sont intimement liées. Résultant du vieil adage, divisé pour régner. Le connais-toi, toi-même philosophique n'est pas d'Hélène. Mes dessins aïeux d'Afrique, sagesse taillée dans l'ébène, attelle-toi à bâtir l'avenir en te référant au passé. J'ai eu un poids sur le cœur pendant de longues années. Mais j'ai compris réellement quand j'ai su qui j'étais. Dans l'unicité comme l'illustre Bilal d'Éthiopie. J'aime l'Afrique, celle d'hier mais aussi celle d'aujourd'hui. Afrique éternelle. Premier universel, point zéro et origine de toute cette terre est belle. Regorge de richesses naturelles, cette terre est riche et d'une beauté inégalée. Cherche, y'a pas ailleurs. Plus qu'un continent, un organe vital, tu sais. A des poumons qui fait qu'ici, bah on respire bien. Avec numéro un attaché à ce continent, on l'est. Des plaines, des fleuves à perte de vue, purée, c'est beau. Un des seuls endroits où la nature a encore ses droits. Des paysages dignes d'une belle carte postale, chouf. Le soleil tape fort, brille et il fait chaud grave. Tout ça pour dire qu'il faut aimer et respecter l'Afrique. En tout cas, nous ce continent on l'aime. Nous le faire oublier c'est pas la peine. Je suis fier de mon bled, Congo Brazzaville. Belle longue vie au continent Afrique, ouais. Attendez, ils avaient tant de temps. Ils sont enfin revenus tous. Mais la paix, Aïssa. Mais Gustafa. Karim et Mohamed, ils sont tous revenus. Ça fait tellement longtemps que je vous attendais, les gars. C'est le musique. C'est bon. J'achèterai tout, j'achèterai les maxis, les albums, les t-shirts. J'achèterai vous voir en concert, je vais tout faire avec vous. Moi, je vous soutiendrai toujours à la vie, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. La paix, on est là, on y va.